Elle s'appelait Augustodunum, la ville d'Auguste, Auguste premier empereur, qui juste après l'assassinat de César et les guerres civiles, ramena paix et prospérité à Rome. Tout à la fois centre économique, administratif, politique, religieux et intellectuel, Autun rivalise alors avec Lyon, Lugdunum. Rien de moins étonnant que les archéologues découvrent dans l'antique cité d'Auguste des pans entiers d'une grande histoire, car Autun en emporte le temps. Aujourd'hui, une grande nécropole vient d'y être mise au jour, avec son cortège de découvertes exceptionnelles. C'est cette histoire que le magazine d'archéologie de France Culture va vous conter avec le concours des fouilleurs et des fouillés. Nicolas Tisserand, Michel Caspric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Vous êtes tous deux archéologues à l'INRAP. Nicolas Tisserand, vous avez participé à la fouille de cette nécropole de Saint-Pierre-l'Estrier et êtes en ligne d'Autun. Tandis que vous, Michel Caspric, êtes spécialiste de la période impériale romaine et notamment de l'Antiquité tardive en Gaule. Nicolas Tisserand, disons-le tout de suite, on ne peut pas faire un trou à Autun sans tomber sur du romain. Alors c'est effectivement compliqué, comme on dit à Autun, 2000 ans d'histoire vous contemple. Et pour illustrer ça, Autun, pourtant ville moyenne ou petite dans le paysage des villes françaises, bénéficie d'un service archéologique à plein temps, ce qui prouve la richesse de son patrimoine. Et d'un musée aussi. Ah, et d'un musée, alors un musée en devenir, un musée ancien mais qui rentre dans une phase complète de rénovation et dont l'ouverture en 2024 devrait faire la part belle aux découvertes dont nous allons parler maintenant. Michel Caspric, Augustodunum n'aurait pas été une ville romaine comme les autres ? Alors, effectivement, c'est une des principales villes de la Gaule romaine. Hein. Ça avait été bien mis en évidence par Christian Goudineau, notamment dans le volume de l'histoire de la France urbaine. Et c'est vrai que par les découvertes qui y sont faites, on sent bien qu'on est face à une ville romaine, de Gaule romaine, d'une importance réelle. C'est un urbanisme exceptionnel, c'est une grande superficie, taille et qualité des monuments publics. Alors, il y a d'une part, effectivement, il y a l'ampleur de la ville antique hein, qui fait dans les 150 hectares. Il y a aussi sa parure monumentale, dont les vestiges les mieux conservés actuellement donnent déjà une idée de l'ampleur. On pense notamment au théâtre d'Autun, qui est le plus grand de Gaule. Mais on a aussi des monuments qui sont depuis disparus et qui ont été étudiés par les archéologues depuis le 19e siècle. On pense notamment à son amphithéâtre, qui est aussi un des plus grands de Gaule, mais aussi à son centre public monumental, qui est notamment illustré par un très grand temple dont l'élévation en marbre de Carrare a été retrouvée dans des fouilles préventives dans les années 1980. Enfin, alors, évidemment, il y a... Pardon. Alors, comment décrire cette richesse ? Je vous ai lu beaucoup, Michel Caspric, au détour d'une publication. J'ai vu que on avait découvert à Autun du marbre pentélique, celui-là même avec qui a été édifiée l'Acropole d'Athènes. Ce n'est pas rien, quand même. Alors, effectivement, on a trouvé à Autun toute une série de découvertes de roches décoratives ou de roches précieuses qui ont pu servir à l'architecture et au décor des monuments publics ou des résidences privées. Et effectivement, parmi ces découvertes, il y a du marbre pentélique, mais il y a aussi du marbre d'Afrique du Nord, enfin de tout le bassin méditerranéen. Dans les années 16 avant notre ère, cette ville nouvelle est créée pour accueillir un des plus grands peuples de la Gaule romanisée, les Éduins. Alors effectivement, donc la ville d'Autun succède à l'oppidum de Bibracte, dont je pense que pas mal de gens ont entendu parler. Donc au tout début de l'époque romaine, en fait, la capitale des Éduins est transférée de Bibracte à Autun. Et progressivement, la ville se développe pour atteindre son extension maximale vers le courant du IIIe siècle. On peut parler de ville nouvelle, d'un vrai projet ? Alors, il s'agit effectivement d'un a priori d'une véritable ville nouvelle, c'est-à-dire que les fouilles réalisées dans le cadre de l'enceinte urbaine n'ont pas révélé de vestiges antérieurs au règne d'Auguste, même s'il faut peut-être un peu nuancer le propos, parce que les recherches qui sont actuellement menées autour du célèbre temple de Janus semblent suggérer que ce quartier périurbain d'Autun ait pu être fréquenté dès la fin de l'âge du fer. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que la mémoire de la ville gauloise, Bibracte, le mont Beuvray, perdure à Autun au travers d'un sanctuaire de la déesse Bibracte. J'ai d'ailleurs souvenir que les archéologues y ont trouvé dans un puits des objets qui étaient liés à cette dévotion à la déesse Bibracte. Alors tout à fait, oui, on suspecte, enfin c'est même, on fait plus que suspecter, on a toute une série de découvertes d'inscriptions qui ont été faites au XVIIe siècle, au sud-est de la ville actuelle, près du théâtre romain, qui sont des dédicaces à une déesse qu'ils appellent Dea Bibractae. Donc ces inscriptions ont été un temps considérées comme des inventions d'antiquaires de l'époque moderne, mais des travaux plus récents de Michel Lejeune semblent confirmer l'authenticité de ces découvertes. Donc oui, il y a effectivement, manifestement, une mémoire en fait de l'histoire ancienne des Éduens au cours de l'époque romaine, mais qui est illustrée par d'autres documents, notamment des discours d'ambassade du début du IVe siècle. Où des notables éduens en fait dialoguent avec l'empereur de l'époque, donc Constantin, et ils font c'est un de ces orateurs fait notamment un rappel d'un épisode célèbre où un représentant des éduens en fait vient représenter ce peuple au Sénat de Rome à l'époque de la République. Donc il y a une mémoire municipale, si on peut dire, et de l'histoire de ce peuple et de cette cité qui traverse toute l'époque romaine jusqu'au début de l'Antiquité tardive. Nicolas Tisserand, cette richesse d'Autun est-elle liée au fait que les Éduens sont frères du peuple romain, Frates Populi Romani? Alors, c'est en tout cas ce qu'on peut penser. On peut imaginer que Rome leur a pas mis de bâton dans les roues. Là-dessus, Michel a fait plus de recherches que moi. Ce qui est certain, c'est, comme le soulignait Michel Kasprick, le fait d'avoir le droit de fonder cette ville, même si c'est un transfert, et la parure monumentale qui l'accompagne, montre que les Éduens ont ce statut vraiment particulier, dont d'ailleurs les habitants d'Autun se targuent encore de nos jours. Michel Kasprick, ne doutons pas de la richesse de la cité. Plus étonnant est que cette ville aurait été un centre intellectuel, un lieu d'enseignement. À y regarder d'ailleurs de plus près, Tacite en parle. Alors oui, Tacite est le premier en fait à mentionner donc la réunion dans la ville d'Augustodunum en fait des entre guillemets de la jeunesse dorée des cités gauloises dans ce qu'on pense être des écoles et donc il y a cette première attestation assez précoce hein, dans les années 20 de notre ère. Et ensuite, on perd un peu la trace de ces écoles avant qu'elles réapparaissent justement dans les discours d'ambassade dont je vous parlais tout à l'heure, où l'on apprend que bah, ces écoles ont été fermées. Donc là, on se trouve dans les années 290-300 de notre ère, et donc dans un célèbre discours d'Eumène, qui est le directeur de ces écoles, il nous dit qu'elles ont été fermées il y a quelques décennies, et que là, elles vont être ouvertes à l'initiative des empereurs de l'époque. Et donc, on a à peu près un aperçu un peu de ce que peuvent être ces écoles. Manifestement, il s'agit d'un endroit où l'on enseigne la rhétorique, donc l'art de discourir en public, mais aussi très certainement le droit. Et on peut sans doute faire des parallèles avec d'autres universités de droit qui sont connues dans l'Empire romain de l'Antiquité tardive, notamment à Beyrouth. On peut penser que cette ville a été aussi un foyer important de diffusion de la culture gréco-romaine en Gaule. Michel Casoy. Alors, oui, effectivement, il y a dans la documentation archéologique qui a été retrouvée à Autun même, on a quand même toute une série d'éléments une hellénisation, si on peut dire, des élites locales. Alors, il y a notamment des inscriptions en grec, qui ne sont pas très courantes en Gaule, même si on en connaît ailleurs qu'à Autun, notamment à Lyon. Il y a aussi, par exemple, la très belle mosaïque dite des auteurs grecs, où on a toute une série de panneaux qui représentent des auteurs donc grecs avec des citations de leurs œuvres sur la mosaïque en grec, qui démontrent qu'une partie des élites d'Autun en fait sont très clairement hellénisées, et donc tout ça donne l'indication d'un milieu quand même très lettré qui doit graviter notamment autour de ces fameuses écoles d'Autun. Aujourd'hui, un vaste ensemble funéraire daté des alentours de 250 de notre ère vient d'être fouillé. Livre, bien sûr, son cortège de découvertes. L'apparition de cette nécropole intervient à l'aube de la christianisation du monde romain. Avez-vous des témoignages de ce christianisme ? Alors, je vais laisser Michel répondre sur la partie écrite et je répondrai sur la partie nécropole. Alors, pour ce qui est de la documentation entre guillemets antérieure à la fouille, dont va parler Nicolas plus en détail, en fait, la particularité du site de Saint-Pierre-l'Étrier, c'est qu'on y a trouvé au XIXe siècle une inscription justement en grec qui est une inscription funéraire et qui est le plus ancien. Quasiment un des plus anciens documents matériels témoignant de la présence d'une communauté chrétienne en Gaule. Parce qu'effectivement, on a des textes plus ou moins légendaires, souvent écrits plusieurs siècles après, au début du Moyen-Âge, qui suggèrent la présence de communautés chrétiennes dans les cités de Gaule romaine, à partir du IIe siècle. Mais bon, à part les martyrs de Lyon, il y a quand même peu de choses véritablement probantes. Et donc, on a ici, avec ce document, quelque chose de tout à fait précoce, entre guillemets, et exceptionnel. Justement, Nicolas Casoy, on pourrait penser que cette nécropole s'installe à un moment où le christianisme est encore marginal ? Michel Casprix, oui. Est-ce que l'on peut penser que cette nécropole s'installe au moment où le christianisme est encore assez marginal ? Alors, c'est justement difficile de répondre. L'intérêt de la fouille, c'est qu'elle montre manifestement que la nécropole, va commencer à se développer à un moment où on considère traditionnellement que le christianisme est encore peu implanté en Gaule. Alors, il n'y a pas vraiment de preuves ni de traces à proprement parler de christianisation dans ces tombes, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que on délaisse à cette époque les nécropoles plus anciennes et le site de Saint-Pierre-l'Étrier, où on a beaucoup de preuves d'une présence entre guillemets chrétienne un peu plus tard dans l'Antiquité tardive, va vraiment se développer à la fin de l'Antiquité et devenir la principale nécropole d'Autun. Nicolas Tisserand, ce que vous avez surtout, ce sont de rares sarcophages en grès. Oui, alors ça a été une des découvertes de la fouille, déjà mise en évidence lors du diagnostic, mais complétée lors de la fouille. Nous avons eu 5 sarcophages complets avec couvercle, et puis nous avons eu aussi un lot d'autres sarcophages souvent cassés parce que récupérés, parfois dont les ossements ont peut-être été transférés, mais nous avons pu fouiller 5 sarcophages. Et parmi ces 5 sarcophages, sans dévoiler totalement la suite de nos discussions, nous avons eu un lot de découvertes importantes. Certains contenaient simplement, si j'ose dire, un squelette avec peu de mobilier. D'autres contenaient un squelette et du mobilier parfois riche, voire exceptionnel. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Nicolas Tisserand, vous avez 15 cercueils en plomb. De nombreux exemplaires ont déjà été trouvés à Autun, mais c'est une chose qui est en général très très rare. Alors oui, surtout qu'il faut rappeler que Autun, comme le prouvaient les températures négatives ce matin, est au nord de la Gaule. Et c'est un phénomène qui est effectivement rare dans le nord de la Gaule, plus courant dans le sud, car romanisé plus précocement. Et Autun, on peut clairement l'affirmer, fait maintenant partie du plus gros corpus de cercueils en plomb pour l'Antiquité, et notamment pour l'Antiquité tardive au nord de la Gaule, puisqu'on estime environ une quarantaine de d'occurrences sur le territoire. Ce plomb a la propriété, bien sûr, de conserver les corps et les matières organiques. Vous avez mis en place une drôle d'opération sur le terrain avec masques et des sortes de combinaisons style X-Files. Oui, alors ça a été l'épisode marrant pour les voisins en temps de déconfinement, puisque effectivement, nous savions que, grâce au diagnostic archéologique, nous risquions d'avoir un cercueil en plomb potentiellement scellé, et l'intelligence de la responsable a été de mettre en place tout un protocole en amont, de s'équiper et de s'entourer d'une équipe de spécialistes afin d'anticiper la possibilité que ce cercueil en plomb soit hermétique, car comme vous l'avez rappelé, c'est une des possibilités, et on a quelques exemples en Gaule où des cercueils en plomb ont livré des vestiges parfaitement conservés dedans. Donc nous avons mis en place ce protocole à la X-File, comme vous le soulignez, avec des masques, avec des combinaisons intégrales, sous-tentes, avec des caméras partout pour anticiper une éventuelle découverte exceptionnelle. Et ce cercueil s'est avéré ne pas être hermétique, puisque le plomb avait s'était un peu affaissé, mais nous avons quand même un squelette complet, et surtout la présence dans la boue qui l'entourait de nombreux fils d'or qui montrent quand même que la personne, au-delà du contexte d'enfouissement dans le sarcophage, devait avoir accès à un certain nombre de richesses. Cet équipement, Nicolas Tisserand, était pour vous protéger ou pour protéger les vestiges ? Il faut rappeler que les sépultures anciennes pourraient réintroduire des maladies. On pense bien sûr à la variole. Oui, alors réponse de Normand, les deux, ou réponse d'Auvergnat, c'était principalement pour nous protéger. Puisqu'on sait effectivement pas à quoi s'attendre si le cercueil était hermétique, mais clairement c'était également pour ne pas polluer d'éventuelles découvertes qui pour nous sont extraordinaires, à savoir on aurait pu imaginer des fleurs, des cheveux, des choses comme ça, et donc ne pas se retrouver à polluer quelque chose d'extraordinaire avec des cheveux modernes. Ce que vous y avez trouvé dans une sorte de terre couleur soupe de petit marron, c'est entre autres notamment des étoffes tissées de fils d'or. Oui, alors ça a été une des découvertes pareillement anticipées, et là on peut saluer la présence sur le site de Raphaël Chevalier, une restauratrice qui travaille à Paris, qui effectivement est venue tout de suite, et on a pu mettre en évidence dans un certain nombre de cercueils la présence de tissus, et de tissus notamment de fils d'or, et dont un cercueil en particulier qui lui a livré un grand aplat de tissu en or qu'il a fallu prélever pour des questions de commodité et de praticité en motte, parce qu'il fallait le mettre au frigo très rapidement, et dont on espère pouvoir faire une analyse rapidement, notamment une tomodensitométrie qui va nous permettre de voir un petit peu si les choses sont reconstituables en l'état. D'après ce que j'ai compris, vous travaillez avec un microscope sur le terrain pour voir justement la terre et détecter ces fils d'or. Oui, alors ça a été aussi un vrai plus lors de cette opération, c'est d'avoir cette équipe sur place, spécialiste des tissus, restauratrice, incarpologue, qui par manque de graines a bénéficié, nous a fait bénéficier de son expérience du tamisage, et du coup a tamisé au fur et à mesure de la terre, ce qui a permis de découvrir ces fameux fils d'or, ou une partie. Et Fabienne Médard, donc spécialiste des textiles antiques, a pu analyser grâce au microscope et l'ordinateur directement les choses et mettre en évidence un certain nombre d'éléments tissés, d'ailleurs du tissu classique aussi, ces fameux fils d'or qui sont des petits filets tirés finalement, et la présence de quelques matériaux qui nous laissent à penser qu'on pourrait être en présence de pourpoint. Qui était l'individu et comment était-il? Il était sur le dos, raide? Alors là, raide, je sais pas, raide mort, oui, sûr. Ça dépend duquel on parle. Les différents individus étaient de toute façon toujours inhumés, a priori, sur le dos, plutôt en position classique, c'est-à-dire allongée. Après, le souci qu'on a, c'est que les os sont très très mal conservés. Et que parfois la perception que nous avons des individus inhumés, même ceux qui ont livré le plus de mobilier, se limite à quelques dents et des traces d'os. Certaines tombes se caractérisent par des objets extrêmement rares. Les plus exceptionnels seraient des sortes d'épingles. Oui, alors ça a été. L'archéologie, c'est aussi parfois ces moments-là. C'est pas que ça, c'est rarement ça. C'est effectivement la découverte. Alors dans une première sépulture en cercueil en bois, mais très profonde, des épingles en jais. Donc le jais est un matériau issu globalement du schiste, quelque chose de noir, brillant. D'ailleurs, on dit noir de jais. Et du coup, tout un lot d'épingles. Et puis dans un sarcophage très profond également, très massif, le plus gros. La présence de deux bijoux en or, une bague et un anneau, la présence de tissu et au pied un fagot de cinq épingles en ambre, dont jusqu'à maintenant, mais l'archéologie c'est aussi une science en évolution permanente, nous n'avons pas de comparaison pour ce type d'épingle Alors et dans ce matériau. visiblement, c'est un très bel ambre, très translucide. Vous connaissez l'origine? Peut-être les pays scandinaves? Alors, on n'en connaît pas l'origine et je ne sais pas si ce sont les pays scandinaves, mais on va le savoir très rapidement puisque ces épingles vont faire l'objet d'analyses par un chercheur à la Sorbonne avec qui nous sommes en contact, qui a répondu très rapidement et qui travaille là-dessus. Donc, il va être en capacité de nous donner, normalement, l'origine. Là, cet ambre, effectivement, est orange, complètement translucide. Et on ne peut exclure qu'il s'agisse d'ambre qui proviennent par exemple de Sicile, puisqu'on a des gisements avec des couleurs similaires. Ce qui est drôle, c'est que ces épingles d'ambre étaient à peu près identiques à celles de jais. On pourrait penser à un atelier de production particulier. Alors, plus qu'un atelier de production, je pense qu'on peut parler d'un effet de mode, puisque a priori les deux matériaux ne viennent pas du même endroit. Traditionnellement, on considère que le jais provient plutôt d'Angleterre. L'ambre, effectivement, comme vous le soulignez, on l'associe plutôt aux pays scandinaves, donc des gens qui n'ont pas pu se croiser. Par contre, on est dans ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire des formes similaires pour un matériau différent, ce qu'on connaît par ailleurs pour les fibules ou autres objets. Nicolas Tisserand, le clou de la fouille est un vase, une merveille du kitsch antique. Alors oui, c'est un peu à l'image de ces peintures parfois pompéennes quand on a eu la chance d'aller à Pompéi. On est sur des choses qui sont extraordinaires et en même temps dont on ne voudrait peut-être pas chez soi. Mais là, on est sur une pièce d'orfèvrerie importante. Alors ce qui fait la rareté de l'objet, c'est pas tant son matériau, puisque comme vous l'avez souligné, c'est du verre. Mais par contre, on est sur quelque chose qui est finement ciselé, découpé et qui mérite une dextérité extraordinaire. Nous voici sur une sorte de summum de l'art verrier romain. Oui, tout à fait. Là, on est sur. On pourrait parler d'orfèvrerie romaine appliquée au verre. Alors, on appelle ces vases des vases diacrètes. On en connaît très très peu dans le monde antique. Oui, alors c'est Diatrette, la prononciation est compliquée, sauf pour les gens de Saône-et-Loire qui ont le R facile. Et effectivement, on en connaît assez peu. Des vases de ce type-là, une dizaine d'exemplaires, conservés complets, dont certains sont visibles en Allemagne, puisqu'on pense que ces vases sont fabriqués dans la région de Cologne. On en connaît d'autres exemplaires dans le sud, puisqu'il y a un exemplaire le plus ancien découvert au XVIe siècle, je crois, dans un sarcophage à Milan. On a des choses en Hongrie également, mais effectivement, on est sur des choses très très rares et qu'on ne connaît pas ou très très peu. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici en présence de la haute aristocratie d'Augusto Dunum, sans doute très proche du pouvoir romain, notamment de l'empereur Constantin. Michel Castric. Alors oui, le recueil de textes là dont je vous parlais tout à l'heure, là, ces discours d'ambassade du début du IVe siècle, le recueil, on l'appelle les panégyriques latins. Il a été récemment réétudié par Anthony Austin, qui est à l'école pratique des hautes études, et donc il met en évidence tout un groupe de notables d'Éduins, donc qui sont contemporains en fait des sépultures dont on parle. Et donc qui gravite dans l'entourage des empereurs Constance Chlore et Constantin au moment où leur cour se trouve à Trèves. Donc on va dire en gros entre 280 et 315 après Jésus-Christ. Alors tous ces personnages, on ne les connaît pas forcément dans le détail, mais ce qui est très clair, c'est que les sépultures qui ont été découvertes là sont très manifestement proches. Des sépultures... Une dernière question, Michel Castric. Groupe social. Les raisons de cette proximité des élites d'Autun avec l'empereur sont-elles à trouver dans l'histoire même des Éduins rangés contre Vercingétorix et la Gaule libre et indépendante au profit de leurs frères romains? Très brièvement. Bah, oui, très clairement, il y a une mémoire des Éduins de leur relation privilégiée avec le pouvoir impérial, et ils en ont certainement usé au moment des règnes de Constantin et de Constance Chlore. Michel Castric, merci beaucoup d'avoir été en direct ce soir. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Audrey Gélil, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr et l'application France Culture, ou retrouver 300 archives de l'INRAP sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous verrons comment les mammouths sont rentrés dans Paris, par ici ou par Clichy.